Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes lundi, et nous commençons, ou nous, je devrais dire plutôt, nous continuons ensemble l'étude du chapitre 8 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, nous continuons à se courber devant toi pour être instruits, pour être enseignés, pour être redressé, pour être libéré du mensonge qui a été accumulé en nous tellement d'années. Seigneur, soit dit par le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu dis aussi que, par le psalmiste, je mets ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, c'est notre désir. C'est notre désir encore cette semaine que tu nous instruises pour mieux te connaître, pour mieux connaître ton Fils Jésus. Afin que quand on parle, ce que nous disons de toi soit vrai. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est arrivé dans l'histoire de l'humanité lorsque les temps ont été accomplis et que le royaume de Dieu était pour être installé, était pour commencer. Et Marc a commencé son évangile en disant « Le royaume de Dieu est proche. » Jean-Baptiste arrive, il annonce l'arrivée du Messie. Et on a vu que dès le début de son ministère, quand il était baptisé, Dieu a déclaré du haut du ciel, « Voici mon Fils bien-aimé. » Donc, le royaume est en train de s'installer. Et je crois qu'il faut regarder l'évangile de Marc dans cette optique-là. Pas dans l'optique « qu'est-ce que ça nous rapporte à nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? » Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'histoire de l'humanité? Il était en train d'installer son royaume. Donc Jésus, par les miracles, par sa puissance qu'il a sur les démons, il démontre qu'il est celui qui va établir le royaume de Dieu, et il nous enseigne, par les paraboles, quelle sorte de royaume il va installer. Et parce que les Juifs, comme beaucoup de gens, ont une fausse conception du royaume de Dieu. Donc, par les paroles, les paraboles, Jésus rétablit, éclaircit quelle sorte de royaume il va établir. Mais faisant ceci, dès le chapitre 3, la pression augmente et ils veulent le faire mourir. Et chaque fois que Jésus enseigne ou prend position contre le leadership, la pression continue d'augmenter. Et on a vu au chapitre 7, quand il a pris position contre la tradition des anciens, la pression augmente encore. Et à cause de cette pression qui augmente continuellement, on a vu que Jésus s'est retiré en dehors de la Galilée, vers les non-juifs, Tyr, Sidon, la Décapole, on va le voir dans le chapitre 8, Césarée de Philippe, Bethsaïda, tout ça c'est au nord de la Galilée et au nord d'Israël. Pays considéré comme étant, par les juifs, pas très bien. Même les juifs de Jérusalem avaient de la misère avec la Galilée, qui appelait la Galilée des gentils. Puis il disait, il n'y a pas de prophète qui sort de Nazareth, il n'y a rien de bon qui sort de là. Donc, c'était regardé comme, religieusement, spirituellement, comme deuxième catégorie. Et on a terminé la semaine passée par la foi des petits chiens. Cette foi que les non-juifs ont et que Jésus a répondu. Donc, le royaume qui est en train d'installer, oui, est venu premièrement chez les Juifs, oui, est arrivé à travers le peuple d'Israël, mais c'est pour atteindre toutes les nations du monde. Et les nations du monde vont jouir du royaume de Dieu, de la même chose que les Juifs, par la foi. Et ce matin, nous continuons à partir du chapitre 8 et au verset 10. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanutha. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis, en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta. Il remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Jésus était du côté de la Décapole. Et il nous dit au verset 10 qu'il revient dans Dalmanutha. Il revient dans l'Est. Donc, il traverse la mer de Galilée et il revient au pays d'Israël. Dalmanutha, il y en a qui disent que c'est Magdala. Donc, si vous regardez sur une carte géographique, vous allez voir plus facilement Magdala que Dalmanutha. Mais il revient dans le territoire d'Israël. Et là, aussitôt qu'il arrive, des pharisiens viennent et veulent discuter avec lui. Mais leur but en discutant, c'est de l'éprouver. Et certaines Bibles traduisent bien, je crois, en disant « pour le piéger, pour le prendre, pour le dénigrer, pour l'abaisser, pour le discréditer auprès des Juifs ou auprès des Romains. » Pour l'éprouver, il lui demande un signe venant du ciel. Qu'est-ce que c'était que ce signe venant du ciel qu'il voulait? C'est pas tout le monde qui est d'accord sur l'interprétation de ce signe venant du ciel. Je crois pas qu'il leur demande un autre miracle. Jésus a fait, depuis quasiment 3 ans, des milliers de miracles. Mais c'est quelque chose qui venant du ciel. Est-ce qu'il pensait à quelque chose de semblable comme Élie, qui a fait descendre le feu du ciel? Est-ce qu'il voulait avoir quelque chose comme Moïse, qui a fait des catastrophes écologiques? Est-ce que c'est ça? Je crois qu'il voulait quelque chose de plus fort pour le piéger. OK, on sait que tu es capable de faire des miracles, puis ressusciter des morts, puis multiplier du pain, là. Mais on voudrait avoir quelque chose de plus grand que ça, plus fort que ça, plus spectaculaire que ça. Le but, c'est de le piéger, l'éprouver. Et Jésus soupire profondément. Il est lassé, il est frustré, je dirais. Et il dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? » Pourquoi? Et il dit, je vous le dis, il ne sera point donné de signe à cette génération-là. Donc, même si on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'ils voulaient voir les pharisiens? Qu'est-ce qu'ils voulaient que Jésus fasse? Sachant probablement qu'il n'était pas capable de le faire. Ils veulent le piéger. Mais Jésus lui répond, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Il leur dit, vous n'aurez pas ce que vous demandez. Parce que Jésus sait que cette génération, elle est mauvaise, elle est perverse, elle est idolâtre, elle est incrédule, elle a un cœur éloigné de Dieu. Et il sait très bien qu'ils veulent le faire mourir. Et j'ai décidé de mettre le restant du passage ensemble, parce que je crois que c'est uni. C'est pas pour rien que je crois que Marc les a mis ensemble. Cette demande de signe, ce soupir profond de Jésus envers les pharisiens, et Jésus est tellement déconcerté par cette génération de Juifs qu'il reprend la barque et il retraverse l'autre côté. Il semble qu'il y a plus de réception, une meilleure réception l'autre côté que ce côté-ci. Il y a plus de réception du côté non-juif que du côté juif. Je crois qu'en partie, c'est parce que les non-juifs ont moins d'attentes par rapport au Messie ou au royaume de Dieu ou de fausses attentes que les Juifs. Dans la barque, pendant qu'ils s'en vont vers Bethsaïda, ce que le verset 22 nous dit, Jésus leur dit, « Méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Je crois que c'est lié à ce qui vient de se passer dans la contrée de Dalmanuta. Quelle est donc cette mise en garde? Il dit, méfiez-vous, gardez-vous, protégez-vous, soyez vraiment sur vos gardes avec le levain des pharisiens et le levain d'Hérode. De quoi parle-t-il ici? En tout cas, les disciples ne comprennent pas. Les disciples ne saisissent pas. Parce que les disciples, les autres, ils disent, ah! S'il nous dit ça, de se mettre en garde contre le levain des pharisiens et d'Hérode, levain, pain. Hein? Les autres comprennent ça comme ça. Et ils disent, c'est pas vraiment parce qu'on n'a pas pris de pain avec nous que Jésus nous dit ça. Et Jésus, par sa réaction, on ressent une espèce de frustration. Pas négative ici, c'est pas péché, là, ce que je t'entends dire que Jésus a péché. Mais il soupire après cette génération de pharisiens. Et ici, je crois qu'il soupire jusqu'à un certain point avec ses disciples. Parce qu'il leur dit, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore? Moi, je crois qu'il est en train de dire qui je suis. Ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train d'établir, est-ce que vous ne comprenez pas? Avez-vous un cœur endurci? Vous qui avez des yeux, vous ne voyez pas? Vous qui avez des oreilles, vous n'entendez pas? Êtes-vous avec un Alzheimer? Vous manquez-vous de mémoire? Je ne vous parle pas de pain ici. Parce que du pain, je peux vous en produire plein de bateaux. Puis là, il leur pose la question par rapport aux deux multiplications des pains. Et la réponse, c'est « Des pains, je peux en faire tant que je veux. » C'est pas ça dont je parle. C'est pas ça dont je parle. Donc, il n'est pas en train de dire à ses disciples, au moins, le levain, que c'est du pain ou quelque chose qu'ils pourraient manger. Chez les chrétiens, il y a deux interprétations. Certains disent que le levain, c'est l'enseignement des pharisiens. Mais là, on aurait de la misère avec l'enseignement d'Hérode. En tout cas, les Écritures ne nous semblent pas nous dire qu'Hérode était un enseignant. Où est-ce qu'il parle des Hérodiens? Il semblait que c'était un groupe, semblerait. Est-ce qu'il parle de ça? Est-ce qu'il parle de l'enseignement de ces gens? C'est peut-être ça. Le levain, c'est quelque chose d'impur. Vous savez que le levain, c'est quelque chose de vivant. Hein? C'est des bactéries. C'est quelque chose qui est considéré dans les Écritures comme mal, comme mauvais. En tout cas, il est donné comme exemple. Bon, ça ne nous rend pas impurs spirituellement parce qu'on mange du levain. Mais le levain est souvent considéré avec le péché dans la Bible. Donc, il est en train de dire, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Personnellement, je crois qu'il est en train de parler de leur attitude face à Jésus, face à ce que Jésus est en train de faire. Leur rébellion, leur haine, leur colère qui continue de monter. Et dans quelques versets plus bas, il va dire qu'ils vont se liguer contre lui pour le faire mourir et le crucifier. Donc, je crois qu'il est en train de les mettre en garde contre les pharisiens et contre Hérode. Pas directement leur enseignement, mais contre ces gens-là, qui vont être ceux qui vont stimuler la foule ou la génération qui est là à le mettre en croix et le faire mourir. C'est les pharisiens et Hérode qui vont s'attaquer par la suite à l'Église. La nouvelle Église qui va s'installer. Les pharisiens vont faire des problèmes aux disciples, aux apôtres. Hérode va en faire passer par l'épée plusieurs. Donc, il dit, méfiez-vous. Leur attitude envers Dieu, envers moi, va se détourner, va se retourner, je devrais dire, vers vous. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont en désaccord avec ce que Jésus est en train d'établir, le royaume de Dieu. Ici, ceux qui se lèvent contre Jésus se lèvent contre l'établissement du royaume de Dieu. Ceux qui se lèvent contre l'Église aujourd'hui se lèvent contre l'établissement du royaume de Dieu. Parce que dans le fond, mes frères et sœurs, toute l'histoire du Nouveau Testament, c'est l'établissement du royaume de Dieu. Jésus, à partir de sa venue, c'était le royaume de Dieu est proche. Et on voit que le royaume de Dieu arrive. Et on voit que le royaume de Dieu, dans le futur, va s'établir dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. C'est juste ça. C'est Dieu établit son royaume. Et c'est pour ça que quand Jésus a dit à ses disciples comment prier, il a dit... Priez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est dans la même direction, ça. L'Église, présentement, travaille à établir, avec le roi qui est Christ, le royaume de Dieu d'une façon éternelle. Donc, méfions-nous de ceux qui sont contre le royaume de Dieu. Notre bon Père du ciel, merci de cette mise en garde qui était valable pour eux, je crois qu'il est valable pour nous. De se mettre en garde contre tous ceux qui ne veulent pas du royaume de Dieu, qui ne veulent pas que Dieu règne sur le monde. Garde-nous, Seigneur. Amen.